السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on termine ce chapitre qui était باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. Est-ce qu'il a trait à l'exagération vers les vertueux. Et on a dit que شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. Donc l'auteur qui est شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى il dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit prenez garde à l'exagération car ce qui a perdu ceux qui vous ont précédé c'est l'exagération. Le hadith il est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, Ibn Majah, ابن خزيمة الحاكم وصححه كلا authentifié الحاكم ووافقه الذهبي اي الذهبي رحمه الله il était d'accord avec l'imam al-Hakim sur son authentification. L'explication de Cheikh al-Fawzan de ce hadith il dit حفظه الله تعالى راوي الحديث هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله دون ذكر راويه وقد رواه الامام احمد الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. Le rapporteur du hadith, l'auteur qui est Cheikh l'Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, il a cité ce hadith sans faire mention de ce rapporteur, du rapporteur du hadith. Il a été rapporté par l'imam Ahmed et Tirmidhi et Ibn Majah d'après Ibn Abbas. Donc le rapporteur du hadith, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Iyakum, maintenant, il explique, comme à son habitude, Cheikh al-Fawzan, les termes de ce hadith. Il dit, Iyakum, kalimatu tahdirin. Iyakum, prenez garde, c'est une parole de mise en garde. إياكم والغلو منصوب على التحذير بفعل مقدر وهو مجاوزة الحد. Ici, إياكم والغلو والغلو, il est à l'accusatif de mise en garde en raison d'un verbe sous-entendu. الغلو, l'exagération, ici c'est la définition de الغلو donnée par Charles Fawzan ici, il dit c'est مجاوزة الحد, c'est de dépasser la limite. من كان قبلكم من الأمم من كان قبلكم, ceux qui vous ont précédé, c'est-à-dire parmi les communautés. Maintenant, on a le sens général du hadith d'Ibn Abbas رضي الله عنهما. معنى الحديث إجمالا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الزيادة في الدين على الحد المشروع. هو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. ومن ذلك الغلو في تعظيم الصالحين مما يكون سببا في عبادتهم. ثم علل صلى الله عليه وسلم النهي عن الغلو بأنه هو السبب في هلاك الأمم السابقة وذلك يقتضي مجانبة هديهم في هذا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به لأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك مثلهم. Donc le sens général du hadith qui est expliqué par Charles Fawzan حفظه الله تعالى, il dit le prophète صلى الله عليه وسلم met en garde sa communauté contre le fait de rajouter dans la religion au-delà de la limite légiférée. Et ceci est général pour tous les genres d'exagération, dans les croyances et dans les actions. Et fait partie de cette exagération, l'exagération dans la glorification ou la vénération des vertueux, qui est alors une cause de leur adoration. Puis il, sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué la raison de cette interdiction, comme étant la cause de la perte des communautés précédentes. Et ceci implique de s'écarter de leur voie afin de se tenir à l'écart, de tomber dans ce qui les a perdus. Car celui qui s'associe à eux dans une partie de leur voie, il est craint pour lui qu'il soit perdu comme eux. Munasabatul hadith ilbab. Avec l'explication, vous pouvez déjà voir un rapport entre ce hadith et le chapitre. Mais comme il le fait en habitude, Cheikh al-Fawzan hafidhahullah, il donne le caractère opportun ou le rapport entre le hadith et le chapitre. Il dit Munasabatul hadith ilbab. أن فيه النهي عن الغلو مطلقا وبيان أنه سبب للهلاك في الدنيا والآخرة فيدخل فيه النهي عن الغلو في الصالحين من باب أولى لأنه سبب للشرك. Donc Cheikh al-Fawzan حفظه الله il dit que le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith l'interdiction absolue d'exagérer et la mise en évidence quelle est la raison de la perdition dans ce bas monde et dans l'au-delà. L'exagération au sujet des vertueux est alors plus à même de rentrer dans cette interdiction car c'est une cause de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant les fawa'il tirés de ce hadith par Cheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, ما يستفاد من الحديث ياكل السلام. Ce que l'on tire comme bénéfice du hadith. Il y en a six que Cheikh Al-Fawzan cite. Il cite le premier, Fa'idatul Oula, Al-Nahyu anil Ghuluwi wa Bayan su'i aqibatihi. L'interdiction de l'exagération et la mise en évidence de sa mauvaise conséquence, de son mauvais résultat. Al-Fa'idatul Thaniya, Al-I'tibaru biman sabaqa na min al-umami, litajannubi ma waqa'u fihi min al-akhta. Deuxième bénéfice, prendre une leçon des communautés qui nous ont précédés, afin de se tenir à l'écart de ceux dans lesquels elles sont tombées en termes d'erreur. Thalithan, hirsuhu sallallahu alayhi wa sallam ala najati ummatihi min ash-shirki wa wasa'ilihi wa bu'dihim anha. Sa diligence au prophète alayhi salatu wassalam qui voulait que sa communauté soit sauvée de l'association à Allah, ainsi que des voies qui y amènent, et qu'il soit loin de cette association à Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, ou al-fa'idatu al-rabi'ah, الحث على الاعتدال في العبادة وغيرها بين جانبي الإفراط والتفريط. L'incitation à la modération dans l'adoration et autres entre les deux extrêmes du laxisme et de l'extrémisme. خامسا أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك. L'exagération envers les vertueux, le cinquième bénéfice, l'exagération envers les vertueux est une cause qui fait tomber dans l'association à Allah. سادسا شدة خوفه صلى الله عليه وسلم من الشرك والتحذير عنه. La grande peur du prophète صلى الله عليه وسلم quant à l'association et sa grande mise en garde contre cette association à Allah subhanahu wa ta'ala. On continue dans le matn et on va terminer le chapitre comme ça inshallah. Jazakallah khair. ولمسلم عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة والحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد. L'auteur qu'a l'efface miséricorde il dit, et d'après Muslim qu'Ibn Mas'ud a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, sont perdus ceux qui exagèrent, المتنطعون. Il sallallahu alayhi wa sallam le dit trois fois. Ça c'est du verbe تنطع يتنطع تنطعا متنطع. Donc, Cheikh Al-Fawzan, ici, il explique ce passage en disant Al-Mutanatti'un, il explique justement ce terme de Mutanatti'un, Al-Muta'ammiqun, hein, du verbe Ta'ammaqa, Yata'ammaqu Ta'ammuqan, Fi shay'in kalamin wa ibadatin wa ghayriha. Donc, c'est quoi les Mutanatti'un, ou c'est qui les Mutanatti'un? C'est ceux qui exagèrent. Ce sont ceux qui sont trop profonds dans une chose, que cela soit une parole, ou une action ou autre. Thalathan, par rapport à la parole du Rawi qui a dit qalaha thalathan. Il l'a dit trois fois. Thalathan, c'est-à-dire trois fois, ay qala hadhihi al-kalima thalath marrat mubalaghatan fi al-iblagh wa al-ta'lim. Il a dit cette parole sallallahu alayhi wa sallam trois fois, amplifiant la transmission et l'enseignement. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمق في الأشياء والغلو فيها يكون سببا للهلاك ومراده صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. Le sens général de ce hadith rapporté par Ibn Mas'ud رضي الله عنهما عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم clarifie que le fait d'être trop profond et l'exagération dans les choses sont une cause de la perdition, et le sens de sa parole صلى الله عليه وسلم est ici une mise en garde quant à cela. مناسبة الحديث للباب. Quel est le rapport entre ce hadith, le deuxième hadith qu'on a cité ici aujourd'hui, et le chapitre qu'on est en train de finir maintenant? Eh bien, c'est التنطع من الغلو المنهي عنه ويدخل في ذلك التنطع في تعظيم الصالحين إلى الحد الذي يفضي إلى الشرك. Le rapport entre le hadith et le chapitre est que le fait d'être trop profond fait partie de l'exagération interdite, et entre en cela ou sous cela l'exagération envers les vertueux, jusqu'au point qui amène à l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh, il cite trois bénéfices pour terminer ce hadith et ce chapitre aussi. Il dit ma yustafadu min al-hadith. Awalan al-hathu al-ijtinabi at-tanattu'i fi kulli shay, la siyama al-ibadat wa taqdir as-salihin. Parmi les bénéfices qu'il tire de ce hadith, Cheikh Al-Fawzan hafidahu Allah ta'ala, il dit awalan, le premier, l'incitation à se tenir à l'écart de l'exagération dans toute chose, sur tous les actes d'adoration et le respect envers les vertueux. L'incitation à la modération dans toute chose. Thalithan, shiddatu hirsihi ala najati ummatihi wa ijtihaduhu fil iblaghi sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, dernièrement, sa grande diligence en ce qui concerne la salvation de sa communauté et ses efforts dans la transmission du message. Alors, troisième, sa grande diligence, alayhi salatu wassalam, en ce qui concerne la salvation de sa communauté, le fait qu'il soit sauvé. C'est pour ça qu'il faut avoir les livres. Tu n'as pas le livre ? Shiddatu hirsihi ala najati ummatihi. واجتهاده في الإبلاغ صلى الله عليه وسلم في كبرك. Donc ici on a fini avec ça pour le cours d'aujourd'hui. Plutôt que de rentrer dans l'autre chapitre, je me suis dit qu'il est peut-être judicieux de lire une allocution de Charles Fouzan qui est. J'avais fait cette allocution il y a quelques années ici en 2010 dans une daura. Et c'était sous le titre « Éviter les deux extrêmes en revenant au savant ». Comme on parle de l'exagération, et Cheikh il a parlé des deux extrêmes, je me suis dit qu'il était peut-être judicieux de lire cette parole de Charles Fouzan. Et je l'avais donné comme titre à l'époque « Éviter les deux extrêmes en revenant au savant », c'est-à-dire l'extrême de l'exagération, l'extrémisme et du laxisme. Donc l'éminent savant Cheikh Saleh Al-Fouzan, qu'Allah le préserve, il dit dans une étude qui prouve que ceux à qui il faut retourner pour décréter ce qui est du domaine de l'exagération et ce qui est du domaine de la négligence, ce sont les savants de la communauté, les savants des gens de la sunna. Cheikh Fouzan, il dit, Hafidhahullah Ta'ala, Allah nous a ordonné d'être sur la voie de droiture et l'istiqam, sans tourian. Et tourian, c'est l'exagération qui fait sortir de la droiture, du verbe tara. Comme il a interdit la négligence, Subhanahu wa Ta'ala, et le laxisme dans les affaires de la religion. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. » Surat Fussilat, verset 6. C'est-à-dire implorez son pardon pour les manquements que vous avez et les manquements que vous pouvez avoir dans la droiture en manquant au suivi de certains ordres et au délaissement de certains interdits. Par rapport au sujet de la droiture, il y a une risale que j'avais faite aussi de Cheikh Abdelazak Al-Badr qui était direct dans la droiture et il expliquait ce point-là en détail. Donc on a dit, en manquant au suivi de certains ordres et au délaissement de certains interdits. Car l'être humain est sujet à l'erreur et au manquement. Il a donc besoin d'implorer le pardon pour cela. Et cette communauté est la voie du juste milieu, entre la négligence des juifs et l'exagération des chrétiens dans l'adoration. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes, pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Surat al-Baqarah, verset 143. Le laxisme peut être en délaissant les obligations, et en commettant les interdits, et en suivant les passions. Al-Ghulou, l'exagération, c'est de rajouter dans la pratique, au point de dépasser les limites légiférées. Ça rejoint la définition qu'il a donnée dans Kitab al-Tawhid. Cette exagération peut être envers les personnes, en les élevant trop, par rapport à la position qui est la leur, et leur donner quelque chose du droit d'Allah d'être adoré. Comme les chrétiens ont exagéré concernant le Messie. Ils ont dit, il est le fils d'Allah. Ou il est Allah. Ou il est le troisième des trois. Thalithu thalatha. Ils l'ont donc adoré avec Allah. C'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa communauté. Regardez, le même hadith que Cheikh Islam Muhammad ibn Abdelwahab rahimahullah, il a cité dans le Kitab Tawhid, dans le chapitre qu'on est en train de faire. N'exagérez pas dans mon éloge. Comme les chrétiens ont exagéré dans l'éloge du fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur. Dites, le serviteur d'Allah est son messager. Le peuple de Noé a exagéré concernant les vertus. Encore sa raison qui est al-Tawhid. Au point qu'ils les ont adorés en dehors d'Allah. Comme nous le voyons aujourd'hui, la construction de mausolées sur les tombes et l'adoration des morts en dehors d'Allah et la demande d'aide aux morts en situation de détresse. L'exagération peut être dans l'adoration d'Allah et dans la manière d'essayer de se rapprocher d'Allah. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Dis aux gens du livre, n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. » Surat al-Ma'idah, verset 77. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut au courant de trois personnes dont l'un a dit Moi, je prie et je ne dors pas. Un hadith qui est long, qui est expliqué dans Riyad Salihin, notamment par Cheikh Al-Uthaymin, si vous voulez retourner à l'explication. Le deuxième a dit, moi, je jeûne et je ne romps pas le jeûne. Et le troisième a dit, moi, je ne me marie pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut en colère et il s'innocenta de leur action. Et a blâmé cela en disant, moi, je prie et je dors. Je jeûne et je rompe le jeûne. Et je me marie. Celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie des miens. L'exagération, elle reloue, peut-être dans le fait de juger ceux qui commettent des péchés majeurs, des grands péchés, mais qui n'arrivent pas au degré de l'association, le kaba'ir, ce qu'on appelle kaba'ir, de les juger comme étant mécréants, et de les faire sortir de la religion, comme l'ont fait les khawarij de cette communauté. On va parler des différentes manières qu'ils ont de le faire, mais certains sont plus vicieux que d'autres. D'accord ? Mais ça revient au même. Ça revient au même. Ils ont jugé mécréants ceux qui commettent des grands péchés, mais qui n'arrivent pas au degré de mécréance et d'association. Vous avez certaines personnes, par exemple comme certains grands hezbines d'Arabie Saoudite, qui essaient dans un audio de faire dire à Cheikh Ben Baz, par rapport à la mis'ala de ce qu'on appelle le moussir al-kabira, hein, le fait d'être constant, de continuer malgré que tu sais, etc., de rester constant sur un grand péché. Ils essaient de tirer de la parole de Cheikh Ben Baz, que c'est un kafir. Et Cheikh Ben Baz, il était ferme, il disait là, il disait non. Même s'il est monsir, même s'il continue. Parce que Dabit Shahel Sunna, c'est que s'il est moustahil, si c'est quelqu'un qui fait un grand péché, qui est connu comme étant un grand péché, et qui croit que c'est licite, alors là c'est autre chose. Mais le fait de rester beaucoup sur un péché, de continuer, etc., ça n'implique pas l'istihlal. D'accord, on avait parlé ça dans la waqid de l'islam aussi. Je ne sais pas si pour les frères qui étaient là, s'ils se souviennent de ça. Donc, Cheikh, il dit, ils ont jugé mécréants ceux qui commettent des grands péchés, mais qui n'arrivent pas au degré de la mécréance et d'association. Mais revenez aussi à la mis'ala du hukm bi ghayr ma anzalallah. C'est pas toutes les manières ou les situations qui font sortir d'islam. Hein, alors, les tafsir, ils n'ont pas de tafsir là-dedans. Ils prennent le verset à la tahir diyalou, hein, wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font des autres versets? Dans la même sourate. Wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul fasiqun. Même verset. Ou plutôt, avec une chaque fois une différence. C'est-à-dire, cette Qutb, il avait une chouba par rapport à ça dans la langue arabe. Regardez, le danger de comprendre les choses qu'avec la langue arabe, pas revenir au Qawad al-Sun al-Jama'a. Il a dit, donc il y a un chart et un jawab chart dans la langue arabe. Chart, jawab, chart. Il a dit, regardez, le chart, il est le même dans les trois versets. Donc ça implique que jawab chart, il est le même. Donc le fasiqun dhalimun, c'est le kafirun. Vous avez vu la choubha? Évidemment, mes chers d'Ahl Sunna, ils ont réfuté cette choubha-là. Ibn Abbas, le tarjama al-Qur'an, qu'est-ce qu'il a dit? Et son athar, contrairement à ce qu'ils étaient kfiri, il est sahih selon le shurud al-Bukhari au muslim. Comme l'a dit Cheikh Al-Albani. Il a dit, laisse le kufr ladina tadabuna ilay. Ce n'est pas le kufr sur lequel vous allez. Innama kufrun duna kufrun wa fisqun duna fisq wa zulmun duna zulm. Il dit, c'est une mécréance en dessous de la mécréance, une perversité en dessous de la perversité, et une injustice en dessous de l'injustice. Donc l'importance de revenir aux paroles de savants et de revenir aux paroles de salaf. Ils ont jugé mécréants ceux qui commettent des grands péchés, mais qui n'arrivent pas au degré de mécréance et d'association. Et comme l'a dit un homme parmi ceux qui étaient avant nous, un homme qui a commis certains péchés, par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Allah dit alors, selon la traduction du sens est, qui jure sur moi que je ne pardonnerai pas à un tel? Je lui ai pardonné et j'ai annulé tes actions à toi. L'exagération peut être aussi dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, comme cela est arrivé aux Khawarij. Une des caractéristiques des Khawarij Tekfirin, ils n'ont pas de dawabi dans l'amr bil ma'ruf na'il munkar. Nous, Ahl Sunna, on suit nos ulama là-dedans, on a des dawabit. Dawabit qui sont précises, des règles sont précises dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Vous savez qu'on avait parlé, on avait donné des détails là-dessus, c'est qu'on avait fait la très belle allocution de Cheikh Mohamed Ben Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, quand il y avait les révolutions dans les pays arabes. Vous vous souvenez, pour les frères qui étaient... Ça date, ça fait au moins 4-5 ans de ça. On avait fait trois dates, ils sont sur le site, en audio. Écoutez-les, on avait parlé de ça. Dawabit dans l'amr bil ma'ruf na'il munkar. L'exagération peut être aussi le fait dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, comme cela est arrivé aux Khawarij et aux Mu'tazila lorsqu'ils ont exagéré concernant les dirigeants des musulmans et leur ont désobéi et ont porté les armes pour les combattre. Sous quel nom ils ont fait ça? Sous quel nom ils ont fait ça? Le nom de l'Amr bil Ma'ruf ou Nahy al Munkar, mais sans dawabit shar'iyya. Ils sont sortis de l'obéissance, ils ont divisé la jama'a, le corpus des musulmans, ce qui a eu de graves conséquences pour la communauté. L'exagération peut être aussi dans l'imitation dans le domaine de la jurisprudence. Hein, c'est le taqlid al-a'ma, le fait de taqlid quelqu'un dans le fiqh, alors qu'on sait que c'est du batil. Et dans le sectarisme, la hizbiya, en se figeant sur les avis des imams à tel point que leur avis, c'est comme s'ils étaient considérés comme une révélation descendue. Qu'il faut y rester figé et ne pas suivre l'avis authentique et le plus fort par la preuve. Comme c'est le cas de ceux qui s'accrochent de manière fanatique aux fuqaha, aux jurisconsultes et aux chefs des secteurs aujourd'hui. Leurs leaders qui sont fanatiques envers le groupe et leur parti et mettent en garde contre les autres, même si ceux-ci sont sur la vérité. L'exagération peut aussi se trouver dans le wala wal-bara. Encore une fois, les tekfirines qui se retrouvent là-dedans. L'alliance et le désaveu. Ceux qui sont extrêmes pensent que s'innocent et des mécréants, cela veut dire qu'il est interdit d'avoir des transactions avec eux. Dans ce cas, Allah a autorisé, et dans ce quoi il y a un bien, et dans lequel il n'y a aucun mal, et au sujet de quoi on ne doit faire aucune concession dans la religion. Et ils pensent que cela veut dire, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu, qu'il faut nuire à ceux avec qui les musulmans ont un pacte, al-mu'ahadun, ou bien al-musta'min. Hein? Et Cheikh Al-Uthaymin a dit que c'est une kasra, al-musta'min, pas al-musta'man, comme beaucoup de gens disent. Et c'est celui, la définition de al-musta'min, donnée par Cheikh Al-Uthaymin, c'est celui à qui le gouverneur musulman il garantit la sécurité ou à qui quelqu'un d'autre que le gouverneur a garanti la sécurité mais que le gouverneur accepte. Ceux qui sont extrémistes pensent que donc que faire exploser leurs habitations et faire couler leur sang et tuer leur famille et détruire leurs biens, eh bien c'est cela l'alliance et le désaveu. On en voit même dans Bilad Tawhid en Arabie Saoudite actuellement. Il y a certains non-musulmans qui habitent en Arabie Saoudite. Hein? Par exemple, Jeddah, Riyad, etc. Et qui sont là pour des raisons commerciales, des raisons de contrat vis-à-vis d'équipements militaires, ou ils ont une expertise dans un domaine, ou etc., etc., etc. D'accord ? Ou des corps diplomatiques, etc., etc. Donc, ils sont venus avec l'autorisation de l'Hukam. Et ils ont reçu la protection de l'Hukam, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a certains tekfirines, khawarij, eux, ils voient que le fait d'avoir une bonne alliance et un bon désaveu, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'aller les tuer. Hein? Mais il y a des hadiths qui sont très sévères là-dessus. Écoutez le professeur Hassan, qu'est-ce qu'il dit? On va le dire dans un instant, Inch'Allah. Il dit, cher ici, ceux qui sont extrémistes pensent donc que faire exploser leurs habitations et faire couler leur sang et tuer leur famille et détruire leurs biens, c'est cela l'alliance et le désaveu. Et ils s'efforcent d'oublier le hadith du prophète Ali salatu wassalam. Quiconque tue un mu'ahad, on a dit celui qui a un pacte avec les musulmans, ne sentira pas l'odeur du paradis. Et ils s'efforcent d'oublier la parole d'Allah dans la traduction du sens est. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le-lui afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Vous avez vu le cas des deux Da'ichis là, en Arabie Saoudite, ils ont tué leur propre mère. Imaginez, sous le nom de quoi pour eux, hein? De l'Wala al-Bara, leur propre mère. Alors qu'Allah azza wa jalla dit dans le Coran, وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Regardez le mot qu'il utilisait. وَإِنْ جَاهَدَكَ, si te combattent pour que tu m'associes ce dont tu n'as aucune science. C'est-à-dire, si ils te forcent, ils se battent contre toi pour que tu associes Allah azza wa jalla, malgré ça, ne leur obéis pas, bien sûr. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et comporte-toi avec eux dans ce bas monde d'une bonne manière. Regarde, malgré le fait qu'ils te combattent pour que tu associes Allah Azza wa Jalla, c'est tes parents. Hein? Pour ceux qui ont des parents non musulmans. Et pour ceux qui ont des parents qui les combattent et qui essaient qu'ils commettent le shirk, etc., etc. Et la traduction de la... Ça c'était le verset de Surah Tawbah, verset 6. Et la traduction aussi de la parole d'Allah est que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Surat al-Ma'idah verset 8. Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il a ensuite parlé de l'opposé de l'exagération, qui est le laxisme, en disant, à l'opposé de l'extrémisme et de son danger et de son mal, et sa déliquescence, le laxisme dans la religion n'est pas moins grave que l'extrémisme. Mais de plus, il est pire, car la traduction de la parole d'Allah dit, Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. Sourate Nisa, verset 27. Et la traduction de la parole d'Allah dit: puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Sourate Maryam, verset 59, verset 60. Les laxistes décrivent ceux qui sont attachés à la religion et sont sur la voie du milieu comme étant des extrémistes, des durs, excessifs. Et ils, les laxistes, voient que l'ibahiyya, c'est-à-dire le libertinage et la débauche, sont un progrès et un avancement et d'être civilisés. Et ils disent que l'attachement à la religion est un réfrénement des libertés et un obstacle, un essor avec la civilisation mondiale. Et peut-être que certains d'entre eux disent que la religion est facilitée, et ce qu'ils veulent par là, c'est se libérer des législations de la religion. Ils disent que la religion est facile, il n'y a plus, aucune règle, c'est ça que ça veut dire. Hein? Nous disons oui, la religion est facile dans ses législations et dans ses permissions légiférées. Car la religion légifère pour chaque situation ce qui lui convient, comme en cas de maladie, de voyage, de peur et de nécessité. Et pas que la religion est facile en se dégageant de ses législations. Ceci n'est pas une facilité, mais au contraire, c'est une difficulté et un péché. Or le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a jamais été laissé le choix entre deux choses sans qu'il ne choisisse des deux la plus facile. À condition. Man lam yakun ithma. Dans le hadith. À condition que ce ne soit pas un péché. Ma khuyira rasul an sallam bayna amrin. Il wa ikhtara aysarahuma. Man lam yakun ithma. Le prophète Azim, il n'a jamais été le choix entre deux choses sans qu'il ne choisisse les deux la plus facile, à condition que ce ne soit pas un péché. La facilité qui fait tomber dans le péché est une sortie des caractéristiques de la religion et de sa guidance. Les mots de la décadence sont plus graves que les mots de l'exagération dans la religion. Ces ignorants et ces gens qui ont des intérêts ne sont pas ceux qui clarifient le sens de l'exagération. Et ça, c'est important, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire traduire cette allocution et la rapporter ici. C'est parce que tout le monde aujourd'hui, ou beaucoup de gens, se revendiquent de pouvoir dire qu'est-ce qui est exagéré dans la religion ou qu'est-ce qui est du laxisme. Que ce soit les médias, des non-musulmans, des musulmans qui n'ont pas d'ilm, etc. Hein, tout le monde se permet maintenant d'être juge et de dire non, ça c'est exagéré ça. Ou bien ça, non, ça c'est pas assez. Mais c'est du laxisme. Et c'est pour ça ici que Cheikh clarifie bien que ça c'est le travail des gens de science. C'est-à-dire qu'est-ce qui est une exagération et qu'est-ce qui est un laxisme. Donc Cheikh il dit: ceux qui clarifient les limites de l'exagération, ce sont les savants et uniquement eux. Les savants pieux enracinés dans la science, à la lumière du Coran et de la Sunna, et pas les journalistes et les gens des passions, et les ignorants ou ceux qui font les savants, qui se prennent pour des savants ou les gens de l'égarement. Souvent qu'on voyait dans les médias ou autre, etc., quand on clarifie un musulman modéré, c'est quelqu'un qui ne pratique pas du tout. Hein? Et nous, les modérés, on est extrémistes. Les extrémistes, Allah alim comment ils les appellent, hadou. Hein? Ou bien ils leur donnent le nom qu'ils aiment bien donner à tout le monde, un salafiste. Hein? Et nous, on leur dit journalistes. Les savants pieux enracinés dans la science, à la lumière du Coran et de la Sunna, et pas les journalistes et les gens des passions, et les ignorants ou ceux qui font les savants, qui se prennent pour des savants ou les gens de l'égarement. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Sourate Nahl, verset 43. Et la traduction du sens de la parole d'Allah dit: dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doux d'intelligence se rappellent. Sourate Zumar, verset 9. Lorsque nous sortons de la clarification des gens de science et que nous allons chercher la clarification chez les gens des passions et les gens de l'égarement, nous tombons alors profondément dans l'égarement et dans l'erreur. Nous entendons aujourd'hui et nous lisons dans les médias des paroles de ceux qui parlent au sujet de la religion et ceux qui touchent à l'extrémisme et au laxisme, alors qu'ils ne sont pas capables d'en parler correctement, soit par mauvaise intention, soit par mauvaise compréhension. Des fois, même des responsables ou des journalistes, ils se permettent à toi de t'expliquer le Coran. Ils disent, voilà, c'est comme ça que tu dois comprendre le verset. Hein? C'est comme ça que tu dois comprendre le hijab, c'est comme ça que tu dois comprendre ceci et cela, etc. Ils parlent en fonction de leur passion, Cheikh il dit. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Surat al-Mu'minun, verset 71. Ils décrivent l'attachement à la religion comme étant de la dureté. Et décrivent ceux qui sont attachés à la religion et à la croyance correcte comme étant extrémistes. C'est comme ça. D'ailleurs, beaucoup de messages qu'on voit, etc., et de signes sur ce qui est considéré comme des signes de radicalisation. C'est souvent même des signes qui sont contre-productifs. C'est-à-dire le simple fait que, par exemple, que quelqu'un porte la barbe, porte la sunna, une femme porte le hijab, quelqu'un, par exemple, il ne serre pas la main aux femmes, ou etc., etc., ou les femmes qui sont passées maharim, etc., et bien, là, c'est un radicalisé. Alors que les vrais radicalisés, ils ont des signes qui sont spécifiques. Et ça, c'est contre-productif. C'est contre-productif, ça, cette méthodologie-là. Elle est dangereuse. Cheikh, il décrive l'attachement à la religion comme étant de la dureté. Et décrive ceux qui sont attachés à la religion et à la croyance correcte comme étant extrémistes. C'est comme ça. L'extrémisme voit celui qui est sur la voie du milieu comme étant laxiste. Comment ils appellent ? Murji'a. Et le laxiste voit celui qui est sur la voie du juste milieu comme étant un extrémiste et un dur. Hein? Et les laxistes, et ceux qui ne pratiquent pas ou qui pratiquent de manière laxiste, etc., ils nous appellent comment ? Ils nous appellent nous ceux qui exagérons, les extrémistes, etc. Et si tu vois les deux qui t'appellent de telle manière, sache que tu es sur la voie du l'haq. Tu es la voie du juste milieu. Toutes les louanges sont à Allah qui n'a pas fait de ceci ni de cela ceux qui jugent dans cette affaire. Et ceux dont la parole est acceptée. Allah a confié cela aux savants enracinés dans la science et sur la voie du juste milieu dans leur jugement éclairé par le Coran et la Sunna et la voie des pieux prédécesseurs. Car le jugement d'extrémisme ou de laxisme est un jugement légiféré, religieux qui a ses conséquences. Ce jugement n'est pas confié à n'importe qui en fonction de ses passions. Car ce serait parler sur Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam sans science ou en suivant ses passions. Les savants ont clarifié cela et ont décrété les règles avant et aujourd'hui. Dans les livres sur la croyance et les livres de jurisprudence, il est obligatoire que ce jugement religieux soit mis dans le programme et soit enseigné avec ces règles aux étudiants dans les cercles de science. Ces jeunes qui ont dévié de la voie des pieux prédécesseurs dans la prédication ont été influencés par ces idéologies qui viennent de l'étranger. Parce que Cheikh, il parle d'Arabie Saoudite, évidemment, ici. Hein? Il faut savoir qu'à la base, le jama'a au pays, en Arabie Saoudite, c'est une jama'a qui était sur le ménage Salaf Saleh. C'est quand, au moment où Jamal Abdel Nasser, quand il a eu les Ikhwan Muslimin, ils ont commencé leur mashakil, etc. à l'époque, et qu'ils étaient considérés comme des gens qui travaillent pour l'islam, hein, et qui étaient persécutés par Jamal Abdel Nasser, etc. À ce moment-là, l'Arabie Saoudite les a accueillis, en ayant le bon soupçon envers eux. Et parce que c'est des gens qui se revendiquaient de défendre l'islam. Et parce qu'en Arabie Saoudite, à ce moment-là, ils avaient besoin d'enseignants pour les universités, etc., etc. Donc ils ont accueilli des gens, notamment d'Égypte. Et c'est comme ça que certains Saoudiens aujourd'hui, comme Salman Al-Aouda, le Qutbi, et Safar Hawali et d'autres, etc., ce sont des gens qui, Al-Qarni, etc., ce sont des gens qui ont grandi dans le Qutbiya. Alors que ces manahijs-là, ils n'existaient pas en Arabie Saoudite avant. C'était des choses qu'ils ont apprises de leurs enseignants qui étaient étrangers et qui sont arrivés avec leur méthodologie, l'Ikhwan Muslimin, etc. L'Ilhad, maintenant, en Arabie Saoudite, c'est un madhab qui est interdit par la loi. Et c'est considéré comme mouvement terroriste en Arabie Saoudite. Hein? Regardez les dégâts qu'on met. C'est des gens maintenant qui ont la cinquantaine, soixantaine, etc., qui ont grandi dans le Qutbiya, dans l'Ikhwani, etc., en raison de, ces gens qui sont venus d'étrangers, qui ont importé en Arabie Saoudite, ou plutôt exporté en Arabie Saoudite, ces méthodologies déviantes. Cheikh, il dit, ils ont été influencés par ces idéologies qui viennent de l'étranger. Tandis que les prêcheurs et les jeunes qui sont restés en contact avec leurs savants, et n'ont pas été influencés par ces idéologies venant de l'étranger, sont, et toutes les anges reviennent à Allah, sur le chemin de droiture, comme leurs pieux prédécesseurs. Avec ça, on a fini le cours d'aujourd'hui. Wallahu a'lam, wa jazakumullahu khairan, wa subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.